On reprend les présentations avec, du coup, après cette première doublette venue du Moyen-Orient, et bien, doublette suivante localisée à peu près de la même manière. Mes notes mettent encore un petit peu de temps à s'ouvrir. Voilà. Et ben, là, on enchaîne avec un groupe qui nous vient d'Arabie Saoudite. Exactement, Entropia, formé l'année dernière, et ils viennent de sortir donc leur premier EP. Exactement, alors Entropia, c'est un espèce de groupe qui nous fait du... mélodique doom, un peu mélodesse, c'est assez riche, éclectique en termes d'influence. Il y a une alternance de chants extrêmes avec un chant clair qui est pas mauvais mais qui sonne un petit peu bizarre avec, avec le reste des instruments. Il y a un guitariste qui est très très bon dans ce qu'il fait. Il a un projet parallèle où il fait un peu, pas guitare héros, mais il s'éclate un petit peu plus en solo, donc c'est intéressant. Parce que c'est vrai que l'Arabie Saoudite, enfin, en dehors de Al Namroud, on connaît pas grand-chose. Très très peu cette scène, effectivement. Et il existerait à peu près une quinzaine en Arabie Saoudite actuellement de métal. Donc c'est pas beaucoup pour un pays qui est quand même, je crois, bien peuplé, quoi. C'est un grand pays. Et Entropia, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont pu faire un concert, hein, une release party pour ce premier EP. Donc c'est aussi bien ce type de concert soit autorisé là-bas, puisque... Oh. C'est quand même nécessaire pour tous ces groupes de pouvoir s'exprimer en live. Et c'est pas gagné vu la localisation de la formation. Et juste pour Entropia, c'est un petit peu comme Sermon, hein, en termes de texte, d'ambiance, c'est assez mélancolique, assez pessimiste. D'ailleurs, l'EP s'appelle Unhealable Scars, donc les blessures inguérissables. Hein. D'ailleurs, c'est le titre qu'on va s'écouter. Et après Entropia, on va passer sur quelque chose d'un peu plus léger et bondissant, un autre groupe de Turquie qui s'appelle Strider, qui nous vient d'Ankara, qui est actif depuis 5-6 ans et qui nous fait du stoner, heavy, psyché, pas mal influencé par un groupe comme Kaios. Donc là, on n'est pas dans le désert californien, on est plutôt du côté du désert turc. Et en fait, c'est leur tout premier album, on a l'impression qu'ils font ça depuis déjà 3-4 albums, tellement c'est convaincant, c'est groovy, c'est un peu fuzzy, c'est assez mélodique, c'est vraiment... super sympa à écouter, un petit peu reposant par rapport à la fin d'émission qu'on a, qui est quand même bien brutale. Donc Entropia, on va s'écouter donc le morceau Unhealable Scars, et puis juste derrière Strider avec le morceau Hive, extrait de l'album qui porte très bien son nom, Midnight Sun. We'll be right back. On enchaîne et on termine notre tour du Moyen-Orient et même de l'Orient avec la doublette à venir. Tout d'abord, Hoplite, une récente formation, un one-man band même qui nous vient de Chine, qui nous propose un black dissonant avant-gardiste. C'est ultra riche et violent. Absolument. Donc, c'est un groupe qui a sorti un EP en 2021 et qui vient de sortir son premier album longue durée en tout début d'année. On est sur un black un peu tendance dissonant, avant-garde, qu'on peut rapprocher de formations françaises comme Despel Omega ou Plebeian Grandstand. Pour situer un petit peu, on pense aussi à la scène black islandaise, même si au Plit, il y a un côté encore plus radical, j'ai envie de dire, dans ce qu'ils font, parce qu'il y a des morceaux vraiment courts, ils font 2 minutes 30, 3 minutes, c'est une espèce de boucherie. C'est extrêmement violent. Alors, apparemment, c'est un projet solo. Il y aurait aussi le vocaliste serait français, des infos qu'on peut trouver sur Metal Archive, donc c'est très difficile à vérifier. Surtout que Hoplite, en fait, c'est un terme grec qui désigne les fantassins qui combattaient. L'infanterie lourde. Tout à fait. En Grèce antique. Et en fait, toutes les infos fournies par le projet sont indiquées en grec. Et d'ailleurs, le titre de l'album, le titre des morceaux, tout est en grec, donc nous on va les donner en anglais, c'est un peu plus simple. Et ça tourne apparemment tout ce qui est autour du mensonge, de tout ce qui est faux, puisque l'album s'appelle False, et le titre qu'on va s'écouter s'appelle The Fake Witness. Et après la Chine, on va prendre la direction de l'Inde, avec un groupe de thrash qui s'appelle Casque, qui est actif depuis une poignée d'années et qui vient de sortir un tout premier EP. Donc c'est un petit 4 titres d'un thrash bien incisif. Il n'y a vraiment rien de neuf dans ce qu'ils font, hein. C'est pas du tout original, mais c'est vraiment bien fait, ça pue les années 80, c'est hargneux, c'est agressif comme il faut, même vocalement, hein, dans les riffs aussi, tout tient très bien la route. Et là on va s'écouter le morceau de Casque qui s'appelle A Thousand Deaths, extrait de leur EP Deal with the Devil. Et puis ça nous permet de clôturer toute cette petite spéciale proche, moyenne et Extrême-Orient. Et puis je pense qu'on en fera d'autres dans les prochaines semaines et lors des prochains directs. We'll be right back. Allez, 22h20 à la pendule de Radio Béton. C'est la fin de l'émission en direct pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain pour une émission en différé. Doublette de clôture, doublette violente, avec tout d'abord Disfiguring the Goddess, le One Man Band de Brutal Death, Proto Slam, un peu deathcore, toujours mené par Cameron, aka Big Chocolate, qui en voilà un EP de 6 titres pour une vingtaine de minutes avec des gros ajouts de sonorités Indus Mecha, histoire de pousser le délire musical encore plus loin. Cet EP s'intitule Carnival. Et en doublette et clôture, on retrouve Grandiosa Muerte. Et la particularité de ce groupe, c'est que c'est également a One Man Band et qui nous vient du Costa Rica. C'est une sortie de plus sur le label Bitume, hein, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, du death inspiré bien old school, chanté en espagnol, 8 compos pour une trentaine de minutes. Et dans les inspi, il faut aller chercher du côté des vieux Morbid Angel Incantation, tout comme des formations plus récentes à la sauce Corpsest et Phaser Bifold. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. On se quitte avec Fixation on Strength and Strangulation pour Disfiguring the Goddess, Sibylla pour Grandiosa Muerte, extrait de l'album Egregore. A bientôt, ciao ciao.